comme personne ne t'a aimé avant. Je te jure, c'est pas des conneries. Je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui parlent comme ça, mais moi, c'est différent. Crois-moi. J'essaie de savoir si tu pourrais m'aimer. J'essaie de savoir si tu pourrais m'aimer. Depuis pas mal d'années, j'y ai pensé. Ça me travaille au fond de moi. Je cherche à être avec toi. Voudrais-tu être avec moi? Je ne peux pas te forcer, mais t'aimer, je peux t'aimer pendant toutes ces années. Je te ferai rêver, laisse-moi t'emporter. Le paradis n'est pas ici, mais dans mon cœur. Une goutte de sueur descend de mon front, il me la faut. Mon amour n'est pas faux, je peux t'aimer. C'est ça, je peux t'aimer avec tout mon cœur. Je peux t'aimer, peux-tu m'aimer? Bébé, je peux t'aimer. Peux-tu, m'aimer. Ouais, je peux t'aimer comme personne ne t'a aimé. Je peux te rendre folle, ton téléphone sonne. Coucou, c'est moi. Mon amour est pur comme la vie est dure. Je peux améliorer ta vie, je peux sécher tes yeux, te faire toucher les cieux. Crois-moi, je peux le faire, qui peut le faire d'autre? Ne sois pas naïf et viens avec moi. Je peux te faire voir ce que tu veux voir. Prends ce collier bébé, tu sais je peux t'aimer. Je peux t'aimer. Bébé, peux-tu tu m'aimer? Bébé, je peux t'aimer. Mais peux-tu tu m'aimer? Ah, ok. Ouais. Donc, tu dis pouvoir m'aimer mieux qu'elle. Tu sais, j'ai connu des femmes douces ou rebelles qui m'ont dit je t'aime. Et la semaine d'après, tout était fini. Alors tu vois où je veux en venir. Parfois j'ai fait pleurer des filles, j'ai fait quelques conneries. Tu me plais, j'aime rire avec toi. Mais ça devient sérieux, tu peux m'aimer. Je pourrais te faire toucher les cieux. Tu peux être meilleur qu'elle. Tu peux être ma princesse, celle qui enlèvera mon stress. Tu essayes de me donner ton amour et j'apprécie beaucoup. Je t'embrasse dans le cou, tu peux m'aimer et je peux t'aimer. Ok. Je peux t'aimer. Bébé, peux-tu